La sexualité humaine. Avertissement, par rapport aux propos tenus dans le cadre de cet enregistrement, je ne demande pas de croire ce qui est dit, mais plutôt de vérifier par vous-même si cela est réel avec votre ressenti ou votre intellect. Bonne écoute. La sexualité est programmée chez les êtres humains sur le plan biologique pour favoriser leur reproduction. Comme l'être humain de l'époque présente sur Terre dispose d'un corps physique ayant une durée de vie limitée dans la matière, la reproduction sexuée a été développée pour qu'il y ait continuellement des naissances sur le plan matériel qui compensent pour les mortalités. Elle vise à ce qu'il y ait un renouvellement constant de la population terrestre pour permettre aux âmes de s'incarner et de se réincarner dans les corps physiques humains. Les humains ont été programmés pour avoir des rapports sexuels de par les entités qui ont conçu leur corps physique. L'humain n'est pas le fruit d'une évolution hasardeuse, mais plutôt le produit d'entités qui l'ont conçu délibérément. Une personne inconsciente peut tomber enceinte sans l'avoir décidé volontairement en ayant eu des rapports sexuels sous l'influence de pulsions sexuelles et d'entités qu'elle subit. Elle n'a pas ou peu de capacité de contrer ces influences car elle ne s'est pas dotée d'une force de volonté individualisée qui peut s'y opposer. Par contre, une personne consciente devient enceinte seulement lorsque cela fait son affaire à elle de l'être et qu'elle le décide. Lorsque la personne s'avère consciente, elle fait une gestion intelligente de son énergie sexuelle, c'est-à-dire en fonction de sa volonté individuelle qui bénéficie de l'éclairage de l'esprit. Dans ce deuxième cas, l'expression de sa volonté individuelle est plus importante que l'influence venant des pulsions sexuelles et d'entités sur son comportement. La personne consciente peut décider le moment qu'elle va avoir des enfants ou non en exerçant sa volonté individuelle. Elle fait une gestion lucide de sa vie. Elle peut utiliser des moyens de contraception lorsqu'elle sent qu'elle n'a pas la vibration d'avoir des enfants. Elle ne ressent pas de culpabilité d'agir ainsi parce qu'elle ne nourrit pas de croyances religieuses ou morales ou culturelles dans sa psyché. Elle gère sa vie sexuelle d'une manière totalement individualisée. Quelqu'un qui devient conscient et qui intègre le principe de l'amour ne sera pas intéressé à avoir des enfants dans un contexte où il ne pourra pas être respectueux à leur égard, c'est-à-dire de leur offrir une qualité de vie et de répondre de manière adéquate à leurs besoins. Cet individu ne cherchera pas à imposer des souffrances inutiles à d'éventuels enfants. Sa priorité ne sera pas d'avoir des enfants à tout prix, mais d'être bien dans sa peau d'abord. Il sait que s'il a des enfants qu'il n'est pas bien dans sa peau, il est fort probable que ses enfants éventuels soient susceptibles de le ressentir et d'en souffrir. L'individu qui se conscientise va chercher à régler ses problèmes de santé mentale et d'ego avant d'avoir des enfants pour ne pas qu'ils en souffrent par la suite et soient carencés. Par exemple, il va chercher à régler ses problèmes de consommation de drogue, de violence et d'alcool s'il en a avant d'avoir des enfants. Aussi, il ne voudra pas avoir des enfants avec n'importe qui et pour n'importe quelle raison. Par exemple, une personne consciente ne cherchera pas à avoir des enfants avec une personne alcoolique, violente et toxicomane dans l'espoir que l'enfant va lui donner de l'amour à elle et son partenaire pour combler leurs carences affectives et les rendre plus équilibrés. Il faut que les individus soient d'abord équilibrés avant d'avoir des enfants parce que leur venue ne va pas régler leurs problèmes personnels par magie. Les partenaires sexuels conscients voulant avoir un enfant auront consciemment des rapports sexuels dans cette optique, soit avec une intention commune et claire à cet égard qui est en harmonie avec la vibration de l'esprit. Ils auront une mesure vibratoire venant du plan mental lorsqu'ils seront prêts à être des parents pour élever adéquatement des enfants. Par conséquent, ils vont avoir les enfants seulement lorsqu'ils auront atteint un degré de maturité adéquat pour être en mesure de les accompagner correctement dans leur développement. L'individu conscient n'aura pas de tabous et de préjugés à l'égard de l'acte sexuel. Il sera très différent de gens de générations précédentes qui voyaient la sexualité comme étant sale ou un acte de péché. Ainsi, il ne se sentira pas coupable de se masturber ou d'avoir des rapports sexuels sans être marié. Il aura un regard neutre et objectif sur la sexualité de par son accès à la science de l'esprit. Il pourra exprimer ou non sa sexualité sur le plan physique de par sa volonté consciente et individualisée. L'individu conscient ne vivra pas nécessairement l'acte sexuel seulement à des fins de reproduction. Il pourra le vivre aussi pour se détendre lorsqu'il présente une forte tension énergétique ou à des fins d'échange d'énergie. L'individu conscientisé ne cherchera pas à nier l'expression de la sexualité comme l'ont fait et le font encore certains maîtres religieux ou moines. À la différence de certains d'entre eux, il ne croira pas que l'évolution de la conscience passe automatiquement par la chasteté. Il ne voudra pas avoir des relations sexuelles avec des partenaires multiples pour nourrir de l'orgueil envers sa personne. Il ne cherchera pas à se créer un faux sentiment d'identité s'y rapportant. Il ne sera pas intéressé à croire ou à prouver des choses à lui-même ou aux autres à l'égard de la sexualité. Il va plutôt vivre sa sexualité pour lui, selon sa vibration, dans le moment présent. L'individu conscient a la capacité de faire une lecture vibratoire de la personne avec laquelle il a l'intention d'avoir une relation sexuelle. Il peut évaluer le type de vibration qu'elle dégage et son niveau d'évolution. Il ne sera pas intéressé à avoir des rapports sexuels avec une personne qui a une vibration lourde, très basse et astrale, et cela même si elle présente un corps physique d'une grande beauté. Autrement dit, il a un regard qui va au-delà de la forme et il perçoit l'énergie qui se dégage des gens dans leur globalité. Il est conscient qu'à travers l'acte sexuel l'impliquant, il se produit un échange d'énergie entre lui et son partenaire sexuel. Donc, il sait que la vibration de son partenaire peut l'imprégner. Par conséquent, il va préférer avoir un rapport sexuel avec une personne qui a une vibration mentale et vitalisante, plutôt qu'astrale et lourde, teintée d'émotions n'étant pas intégrées et sous influence d'entités négatives. Dans cette optique, il sait que la vibration astrale de la personne peut tenter de l'imprégner. Il est conscient que si cela arrive, il devra faire des efforts pour contrer cette influence et rester en contact avec la vibration mentale. L'individu conscient n'est pas intéressé à ce que son niveau vibratoire s'abaisse et que sa structure d'énergie, de son aura, soit colorée par la vibration d'humains et d'entités inconscients. Il ne cherchera pas à être sous l'influence d'entités astrales qui peuvent être liées inconsciemment à un éventuel partenaire sexuel avec un faible taux vibratoire et inconscient. En fait, que cela soit à travers l'acte sexuel, un massage ou une conversation entre deux personnes, il y a toujours les mêmes enjeux d'influence énergétique d'une personne vers l'autre lors de leurs interactions. L'individu conscient y porte attention et sait être sélectif pour le choix d'un partenaire sexuel. De plus, ce n'est pas parce qu'une personne qui commence à s'éveiller perçoit plus la vibration des gens que cela la dispense pour autant de porter des préservatifs lors de rapports sexuels avec des personnes qui sont à risque de transmettre des maladies sexuelles selon les critères de la science médicale moderne. comme la capacité de perception vibratoire est embryonnaire à l'époque présente, l'individu ne doit pas se croire par orgueil au-dessus des recommandations en matière de prévention des infections transmissibles sexuellement de la science médicale de notre époque en Occident, visant une saine hygiène de vie. Voici ce qui finalise la lecture du texte qui porte sur la sexualité humaine.